Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Serait-il devenu médecin sans s'en être aperçu? Presque. On le fera médecin malgré ses dents. Bien vite, on découvrira autour de lui que la colère d'un médecin est plus à plaindre qu'on ne peut croire, qu'il ne faut jamais mourir sans l'ordonnance de son médecin, que si l'on saigne quelqu'un qui n'a pas de maladie, c'est bien pour la maladie suivante. Mais un homme qui coupe du bois, vêtu d'une façon extravagante, est-il un médecin qui affecte de paraître ignorant? Évidemment, puisque nous sommes chez Molière. Nous l'étions le 27 juillet 1950, et ce, sur la chaîne nationale. La radiodiffusion française présente en transmission différée, diffusée de la Comédie française, salle Richelieu, Le médecin malgré lui, comédie en trois actes de Molière, avec la distribution suivante. Jean Meyer, Sganarelle. Robert Manuel, Lucas. Marcel Lemarchand, Thibault. Jean Le Goff, Robert. Michel Vadet, Valère. Jacques Clancy, Léandre. Georges Baconnet, Géronte. Jacqueline Duc, Jacqueline. Denise Jans, Martine. Denise Pezzani, Lucinde. Et Jean-Louis Le Goff, Perrin. Le premier acte se passe dans un coin de forêt. À gauche, la petite maison de Sganarelle. Au deuxième et troisième acte, nous sommes dans la maison de Géronte. Non, je te dis que je n'en veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être le maître. Je dis moi que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis pas mariée avec toi pour souffrir tes freudaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la cogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi, que dirais-tu? Baste, laissons-la ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti, j'emboise une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demande à toute heure du pain? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans la maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien, je te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Je vous obligez de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Vous êtes rigolé. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, bonargueux, pélitre, fripon, marron, voleur. Ah, vous en voulez pas. Voilà le vrai moyen de regarder mes yeux. Oula, oula. Fille, qu'est-ce que quelle infamie? Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Et je veux qu'il me batte, moi. Ah, j'y concentre tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je m'arrêterai. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. Sans doute. Ce n'est pas vos dépens. D'accord. Vous êtes un sot. C'est venir vous fourrer, vous n'avez que faire. Mon père, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites rosser. Battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai qui vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose.

Et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Oh! Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Y'en doute! Petit Guévelin, justement l'homme qu'il nous faut! Allons vite le chercher! Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites! Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné! Arrêtez de laisser nous faire! S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous! Maintenant, nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Oh, ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Qu'ils sont nos bouteilles jolies, qu'ils sont nos vos petits glouglous. Ouh. Mais mon soir ferait bien être jaloux si vous étiez toujours rempli. Oh, oh, oh, bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Ah, bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Allons, morble, une faux pointe engendrée de mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai que j'avais embouté le nez dessus. Voyons de près. Ah, ma petite friponne que je t'aime, mon petit bouchon. Mais mon sang ferait bien d'être jaloux si vous étiez toujours. Ah! Que diable à qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Le v'là tout craché comme on nous l'a détégulé. Il consulte en me regardant quel dessin aurait-il. Monsieur. N'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Et quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, messieurs, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. C'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce. Je suis tout prêt à vous rendre service. Oh, monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît, le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur! Vous t'es-tu? Voilà des gens bien pleins de cérémonies. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur... Je n'y épargne aucune chose et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dissol le sang. Ne parlons pas de ça, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Je sais se moquer. Je ne me moque point et n'en puis rien à battre. Parlons d'autre façon, de grâce. Alors vous en pourrez trouver autre part. À moi, il y a fagots et fagots, mais pour ceux que je fais... Monsieur Leçon, là, ce discours! Je vous jure que vous ne les auriez pas s'ils s'en fallait un autre. Mais fille! Non, en conscience, vous en paierez ça. Je vous parle sincèrement et ne suis point homme à surfaire. Sont-ils, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières fins de sa baisse à parler de la sorte? Et qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrés les beaux talents qu'il a? Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Toutes les potages de Sardinien, savons que savons. Quoi non? Que voulez-vous dire et pour qui me prenez-vous? Mais pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même, je ne le suis point, elle ne l'ai jamais été. Oh, voilà sa folie qu'il tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons pas, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? Bah, de certaines choses dont nous serions mariés. Parbleu, venez-en à tout ce qu'il vous plaira, je ne suis pas médecin, et ne sais ce que vous voulez dire. Non, je vois bien qu'ils vont se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et de tiguer n'en disponez point davantage et confessez à la flanquette que vous êtes médecin. J'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces frames-là? Qu'est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Non, vraiment. Vous êtes point médecin? Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Ah. Oh, messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira. Pourquoi nous obligez-vous à cette violence? À quoi vous nous voyez la peine de vous battre? Bien sûr que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma fille, j'en suis fâché, franchement. Et quel diable est ceci? De grâce, messieurs, est-ce pour rire ou si tous deux vous vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Diable importe si je le suis. N'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste m'étouffe. Oh, messieurs, je suis médecin. Apothicaire encore si vous le trouvez bon. Mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, monsieur, voilà qui va bien, je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous foutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Vous m'en donnez excuse de la liberté que j'avais prise. Ouais, serait-ce bien moi qui me tromperais et serais-je devenu médecin sans mon être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous pas vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, Balmafiguet. Tout bon? Sans doute. Diable l'emporte si je le savais. Comment? Mais vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Tu Dieu. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste. Un petit enfant de 12 ans s'est laissé soir du haut du clocher. De quoi il eut la tête, les bras et les jambes cassées. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'il se levit sur ses pieds et s'en fut jouer à la fossette. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mettre. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Oh, je suis médecin, messieurs, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Oh, ben, moi, je ne l'ai pas trouvée. Il a à rire. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela. Vous, voilà où je mets mes lunettes. Et vous, marchez là-dessus. Par ordonnance du médecin. Pas le sang, il y a un médecin qui me plaise pas, ce qui réussira quand il est bouffon. Oui, monsieur, je pense que vous serez satisfait. Nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Tirez l'échelle à Brestila et tous les autres ne sont pas dignes de déchausser les souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Il aime à bouffonner, il en dirait, il en déplaise parfois qu'il a des petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il y a des choses tout à fait relevées. Quand il s'y voûte, il parle tout fin de comme s'il était dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Tout le monde vient à lui. Moi, je meurs d'envie de le voir. Faites-le moi vite venir. Ah, je vais guérir. Monsieur, si c'est proche de moi, stampez les autres. Je pense que ce serait ainsi que vie. Et la meilleure médecine que l'on pourrait vailler à votre fille, ce serait sans moi un vieux et bon mari pour qui elle est l'amitié. Oui. Nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline, ce n'est pas à vous à bouter là votre nez. Je vous dis à vous tous que tout ce médecin n'y prend rien que Dieu au clair. Que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de séné. Et quand Marie a un enfant qui guérit tous les maux des filles. Et qu'elle en est un maintenant qu'on s'en voulait charger avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'ai été dans le dessein de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Mais je le pense bien, vous lui vouliez bailler une homme qu'elle n'aime point. Que ne prenez-vous ce monsieur Lyon, qui lui touche au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Et je m'en vais cacher que la prendrait, lui, comme elle est, si vous la lui vouliez donner. Mais ce Léon n'est pas ce qu'il lui faut, il n'a pas du bien comme l'autre. Il a une honte qui est si riche, dont il est héritier. Mais tous ses biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Et elle compare bien à marier sa fille Simonette au grand Thomas pour un quartier de vigne, qui avait davantage que le jeune Robin où elle avait bouté son amitié. Et flac, la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'a point profité tout depuis ce temps-là. Ça fait longtemps pour vous, monsieur, on a sans plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fut agréable que toutes les rentes de la biose. Oh, peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, vous priez, vous. Vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Moi qui tais-toi, t'es une impertinente. Moi je vais faire du discours, il sait ce qu'il va faire. Même moi qui viens te dire à ton enfant, c'est toi qui l'as raisonné. Je suis allé pour lui faire un coup parce qu'il y faut. Tout. Mais si je suis un peu la mortifiée, il n'y a plus le respect qu'à vous doit. Mais ces gestes-là ne sont pas nécessaires. Parlez-vous, voici votre médecin qui en... Oh, monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate, dis cela. Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Ou puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... Romain, qui parlez-vous de grâce? À vous. Mais je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, vraiment. Tout bon? Tout bon. Jamais eu d'autre licence. Mais quel diable d'homme avez-vous là appelé? Vous avez bien dit que c'est un médecin goguenard. Oui, mais je ne l'avais pas emmené avec ces goguenards de vie. Prenez pas garde à ça, monsieur, c'était crôlé. Mais cette aillerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Oui, monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de mal. Que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de ça. Monsieur, monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur. Que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Ah, je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde. Mmh. Beau nom. Beau nom à médicamenter, Lucinde. Et je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Mais qui est cette grande femme-là? Ah, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste. Le joli meuble que voilà. Ah, nourrice. Charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Tout mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Elle est votre femme? Oui. Oh, vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Et tout doucement, s'il vous plaît. Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous. Et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite comme elle. Et point tant de compliments, je vous supplie. Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira, mais avec ma femme, trave dans sa cérémonie. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Eh, monsieur le médecin, que de l'autre menace! Voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Mais où est-elle? Là-dedans. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'y essaie un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Non, me faire de ça. C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il y a un fils qui tienne chez votre serviteur. As-tu bien l'hardiesse de t'opposer au médecin, hors de là? Je moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Mais toi de là aussi. Est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il me fait quelque chose qu'il ne faut pas faire? Faut pas qu'il te tente, moi. Fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Ah, voici ma fille, monsieur. Est-ce là la malade? Mais oui, monsieur. Je n'ai qu'elle de fille et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Pour qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège! Et voilà une maladie qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Qui a-t-il? Quel est le mal que vous sentez? Quoi? Que dites-vous? Aïon. Je vous entends. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi cela? Mais celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est-ce là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Ah, putain Dieu, que la mienne eut cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'apporter tous vos soins pour la soulager de son mal. Oh, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu. Oui. Ce mal, l'oppresse-t-il beaucoup? Oh oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Mais pas grandes. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? Ah, je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Oh, monsieur, je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Oh! Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Oh! Mais oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Ah-ha. Voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé. Vous eût été dire, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, oh! Mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue? Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Je le crois. Oh, c'était un grand homme. Ah, sans doute. Grand homme tout à fait. Oui. Un homme qui était plus grand que moi de tout ça. Pour en revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, c'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire entendez-vous le latin? Non. Vous n'entendez pas le latin? Non, en aucune façon. Cabricius arcitorum catalamus singularitaire, nominatif pour écluse, alamus, bonus, bona, bonhomme. Deus, sanctus, et ignoratio latinas, et siam, oui, quare, pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi, numerum et casus. Oh! Venez étudier. La vie en preuve là! Ça est si bien que je n'y entends goûter. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie? Au côté droit, où est le cœur, il arrive que le poumon, que nous appelons en latin armium, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs... Comprenez bien ce raisonnement, je vous prie. Et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité... Écoutez bien ceci, je vous conjure. Oui, oui. Ont une certaine malignité... Soyez attentifs, s'il vous plaît. Oh, je le suis. Ont une certaine malignité qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme... Il arrive que ces vapeurs... Ossabindus nequeis nequer potarinum. Potarinum quipsa milus. Et voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Oh! Ça plaît bien, dit notre homme. Que n'est la langue aussi bien pendue? Ah, on ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n'y a qu'une chose qui m'a choqué, c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous ne les placez autrement qu'ils ne sont, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui! Oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela, nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Ah, c'est ce que je ne savais pas, et je vous demande pardon de mon ignorance. Oh, il n'y a pas de mal, vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Ah, bien sûr, et non. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire... Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit, et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi ça? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyons pas bien qu'on donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant du pain. Oh, oh le grand homme! Vite! Quantité de pain et de vin! J'en viendrai voir sur le soir en quel état il sera. Doucement, vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques pyramides. Dis-moi, je me porte pas le mieux du monde. Ah, tant pis, Norris, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Il ne serait pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Mais, monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner quand on n'a point de maladie? Il importe la mode dans les salutaires. Et comme on voit pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Par ma fille, je me moque de cela. Et je ne veux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes prêts, Yvon Romaine, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Monsieur, je vous donne le bonjour. Oh, attendez un peu, s'il vous plaît. Et que voulez-vous faire? Et vous donnez de l'argent, monsieur. Oh, je n'en prendrai pas. Oh, monsieur, un petit moment. Moi, de grâce. Hey, voilà qui est fort. Ce n'est pas l'argent qui me fait mais agir. Je le sais bien. Cela est-il de quoi? Oui, monsieur. Mais je ne suis pas un médecin mercenaire. Oui, je le crois. L'intérêt ne me gouverne pas. Oh, je n'ai pas cette pensée. Ma foi, ça ne va pas mal. Et pourvu que... Monsieur. Monsieur, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Je ne suis pas malade, monsieur, ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc? Non, pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé de pouvoir lui dire deux mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir avaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de j'en veux faire, moi, vous êtes un impertinent. Mais monsieur Doucet, un mal avisé. Vous apprenez que je ne suis point un homme à stack, c'est monsieur... une impertinence extrême de vouloir m'employer. Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme et je suis ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté que j'ai prise. Vous moquez, de quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins n'ont pas manqué de raisonner là-dessus comme il faut et de déclarer que cela procédait qui du cerveau, qui de la rate, qui des entrailles et qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se libérer d'un mariage dont elle était infortunée. Mais de peur qu'on ne nous voie ici, retirons-nous. Je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allons, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais savoir serait 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme. Je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi? Il n'est pas vrai que vous soyez effectivement... Oh, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais pas sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue et combien chacun est endiablé à me croire habile homme, à me venir chercher de tous les côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de maintenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye les pots cassés. Mais ici, on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont pas pour nous. Et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion, la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il faut avouer que les morts sont de fort honnêtes gens sur cette matière. Voici les gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, je viens vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'y a-t-il, mon ami, qu'y a-t-il? Sa pauvre mère qu'allons paraître et nous a allé maladie à 6 mois. Voulez-vous que j'y fasse? Je voudrais dire, monsieur, que vous nous bâtissiez quelques petites trouderies pour la guérir. Faut savoir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. Hypocrisie? Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'elle est enflée partout. Là, on dit que c'est quantité de sérieusité qu'elle a dans le corps. Et que son foie, son ventre, ou sa rate, comme vous voudrez l'appeler, oublie le fer du sang des picots de lion. Et là, de 2 jours la fièvre quotidienne avec des douleurs et des lassitudes dans les mufles des jambes. On entend dans sa gorge des flemmes. Ils sont tout prêts à l'étouffer. Et parfois, il y prend des syncoles et des conversions. Je crois donc qu'elle est passée. J'avais dans notre village un apothicaire, et on se parlait, qui a donné je ne sais combien d'histoires. Mais mon écoute, puisque vous êtes de bons écus en lavant, vous en déplaise. On a poste qu'on lui a fait prendre, on a fait son chassinte, et on prend son cordal. Mais tout ça, comme dit l'autre, ça n'a été qu'au de l'encore mitromitaine. Il fait libailler d'une certaine drogue qu'on appelle du vin à méthyl. Ben, Jésus-Père, franchement, ça l'envoie à patresse. Ils ont dit que ces grands médecins, Simon, je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, que je dois vous prier de vous dire ce qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point du tout. Mais que... Monsieur, ma mère est malade. Et voilà deux écus que je vous apportons pour nous bailler que Cromette. Ah, je vous entends. Voilà un garçon qui parle clairement et qui s'explique comme il faut. Vous me dites que votre mère est malade d'hydrophysie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre avec des douleurs dans les jambes et qui lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Oui, monsieur, c'est justement ça. Ah, j'ai compris. D'abord, vos paroles, vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir. Ah, c'est comme je l'entends donc. Voilà un morceau de fromage. Il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, du corail, des perles et quantité d'autres choses précieuses. Monsieur, je vous sommes bien obligés et j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez! Et si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Ah, voilà la belle Norice. Ah, Norice de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre. Oh. Et votre vue est la casse, la rhubarbe et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Oh, pas ma vie comme le matin, ça est trop bien dit pour moi et je n'entends rien tout le matin. Oh, devenez malade, Norice, je vous prie. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Oh, je suis votre servante, j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Oh, que je vous plains, belle Norice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y broute. Comment un rustre comme cela? Un homme qui vous observe toujours et défend que personne ne vous parle. Oh, hélas, vous n'avez rien vu encore. Et c'est là comme petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle Norice, et qui ne sont pas loin d'ici. Hein. Qui se tiendrait trop heureux de baiser seulement le petit bout de vos cotons? Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite comme vous soit tombée en telle main et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot? Pardonnez-moi, belle Norice, si je parle ainsi de votre mari. Oh, allez, c'est bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oh, sans doute, Norice, il les mérite. Et il méritera encore qu'on lui missile quelque chose sur la tête pour le punir des beaux soupçons qu'il a. Oh, il est bien vrai que si j'avais devant les yeux son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Vous feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle Norice, pour être choisi. Ici notre médecin. Oui, de pas tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi. Mais où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il vienne tous les guerres. On va te voir un peu ce que fait ma fille. Ah. Oh, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Oh, un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Ah oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'ait tout. Oh, ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Oui, quel est cet homme que vous amenez? C'est hein? Celui... Quoi? Qui... Oh, bon, j'avais... Votre fille en aura besoin. Monsieur, après, votre fille qui va un peu marcher. Ah, ça lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu son fou afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les docteurs de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que oui, les autres disent que non. Et moi, je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale, le toujours prendre en pied depuis la sensibilité, au fait que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la terre, oh... Ah ah ah, voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède, admirable médecin, que je vous suis obligé de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Oui, une maladie qui m'a donné bien de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Quoi? Et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais rien n'est capable de prendre la résolution que j'ai prise. Je vous proposerai en vain de belles raisons, tout vous dire qu'on ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Une puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Mais vous allez-vous faire tous vos efforts? Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me laisserai toujours dans cette couvain que vous direz. Mais non, en aucune façon, que d'affaire vous faire des sorts, je n'en ferai rien, ça y est, elle est guérie. l'impétuosité de parole, il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire devenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de vous rendre sourd, si vous voulez. Ah ben, je vous remercie. Pense-tu donc. Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Oreste ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Ne me maltraitez point. C'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il y faut apporter. Oh, serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, j'ai des remèdes pour tout et notre apothicaire que voici nous servira pour cette cure un mot. Voyez que l'ardeur qu'elle a pour se léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés pour prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme, c'est à vous de l'y résoudre et lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout, ne perdons pas de temps. Remède, vite, au remède spécifique. Quelles sont les drogues, monsieur, que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais nommées. Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de se léandre. La chaleur du sang fait cela chez les jeunes esprits. Et pour moi, dès que j'ai eu connaissance de la violence de cet amour, j'ai su toujours tenir ma fille renfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble. Oh, bien. Mais il s'est arrivé quelques folies si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avait dit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Il perdra son temps. J'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un saut et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Voilà, monsieur, voilà, vous êtes un mort. Votre fille s'est enfuie avec son liandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Oh, comment m'assassiner de la façon? Dites un commissaire et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître, je vous ferai punir par la justice. Par ma fille, monsieur le médecin, vous ne serez pas en vie. Quoi, mon mari pendu? Il a fait pour ça? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va pendre? Quoi? Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Oh, tire-toi de là, tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Oh, le commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en un lieu où l'on me répondra de vous. Ça pourrait-il pas se changer en quelques coups de bâton? Non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucien dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de nous enfuir, nous deux, et de nous aller marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort, et que je suis héritier de tous ses biens. Oh, monsieur! Votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras pas pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Les plans sont trop beaux pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. La radiodiffusion française vient de vous présenter en transmission différée de la comédie française Salle Richelieu, Le médecin malgré lui, comédie en trois actes de Molière. Avec le concours de Jean Meyer, Robert Manuel, Marcel Lemarchand, Jean Le Goff, Michel Vadet, Jacques Clancy, Georges Baconnet, avec Jacqueline Duc, Denise Jans, Denis Pezzani et Jean-Louis Le Goff. Prise de son, Georges Guimond. Cette pièce a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 juillet 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».